fin d'un monde. Le vent découvre le crin pointu du bourgeois. Des cris perçants ricochent dans un air de plus rien. Les couvreurs tombent des toits et se cassent en deux. On dit que sur la côte, la mer est en crue. L'orage est là. Les mâchoires des flots mordent le rivage. Les digues forteresses rendent l'âme. L'humanité s'enrhume et des trains fous éternuent dans le vide. in allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecke stürzen ab und gehen entzwei. Und an den Kisten liest man Stein. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen. Am Land um die Gitarre zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Eisenbahnen fallen von.